الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السؤال عندك Qu'en est-il de se rendre auprès d'un voyant et l'interroger par curiosité? Et est-ce que cela est interdit dans l'absolu? De s'en auprès de lui pour l'interroger? Dans l'absolu. Est-ce que c'est interdit dans l'absolu? Dans l'absolu, non, si c'est pour le dévoiler. Ah, c'est pour le dévoiler et que les gens sachent qui il est comme imposteur. Alors, allez, comme ça. Et ça rentre dans Beb Inkar le Munkar, dans le fait de blâmer le blâmable. Et du conseil pour la Ummah. Alors, allez, comme ça. Et celui qui va le voir et qui l'interroge et qui croit en ce qu'il dit. Ma hukmo. Ouais. Non. Pourquoi? Aïwa, ça revient à un démenti de la part d'Allah Azawajal, car qu'ul la ya'lamul ghaib illallah, dit que nul ne connaît l'invisible hormis Allah, et ces gens-là prétendent connaître l'invisible, le futur et ce qui se suit. Arsantum. Qu'en est-il de quelqu'un qui porte un gris-gris et il dit ça me protège du mal? Direct. Sans détour. Sans détour. Non, il y a un détour. On va dire plutôt il y a un détail. Il y a un détail. Andak. C'est une intercession par rapport à cet objet-là. Mm-hmm. S'il dit que si prétend que cet objet le protège par l'intercession d'Allah, c'est du kufr. Mais l'inverse, c'est-à-dire que s'il dit que c'est seulement cet objet qui le protège, c'est du shirk azra. T'as mal fait les lacets. T'as fait un nœud dans les lacets, t'as fait un gros nœud dans les lacets. Je vois que t'as saisi, mais t'as pas mis les choses bien à leur place. Donc, si il dit que cet objet le protège par le biais d'Allah... C'est-à-dire que c'est une cause, que Allah fait une cause. Aïe, ouais. C'est une cause, donc c'est du shirk azra. Ashar, naam. Que c'est cet objet qui le protège tout court. En lui-même. En lui-même. Ah, c'est et c'est du shirk dans quel tawhid? Rububiyya. Non, car cela revient à la seigneurie. À attribuer à un objet des particularités qui ne sont propres qu'à Allah Azawajal, qui est le fait de repousser un mal ou tirer un bien. Non, arsentum. Et attention. Cette chose-là, le hadith, il parle de man alaka shay'an wukila ilayhi, celui qui accroche une chose, un pendentif, il y est confié. Ça, c'est la base. Mais mujarrad de l'irtiqad, il y a trop les chasses fil hukm. Une personne, même si elle ne porte pas de pendentif, mais elle croit que cela sert, elle dit moi je ne porte pas de pendentif. Mais dans son cœur, il croit que, par exemple, son grand-père en porte un, sa tante elle en porte un, ou l'a vu, il y croit, c'est pareil. Il dit moi je n'en porte pas, moi. Tu n'en portes pas, mais tu as la même croyance que ceux qui le portent. D'accord? Donc à la base, c'est la croyance en elle-même, et non pas l'objet en lui-même. Ou ça peut être une croyance dans autre chose qu'un pendentif. Ça peut être un autre objet, ça peut être, comme les gens disent, touche du bois, ou certains, ils croient au fer à cheval, des choses comme ça. Tout rentre dedans. Là, c'est un exemple, parce que c'est une chose qui était fréquente chez les Arabes avant, c'était porter un pendentif. Mais tout ce qui revient à croire qu'une créature ou une chose en elle-même apporte un bien, repousse un mal, ou alors que cette chose est une cause qu'elle n'a pas mis cause, ça rentre dans le même jugement. Non. Alain Nakhouz. Excuse-moi, une question concernant le shirk azra, le shirk akbar. À l'époque du prophète, Ali Sato Selem, à la Mecque, quand il prenait les statues, donc eux, ils faisaient du shirk azra, ça veut dire. Comment ça? Ils prétendaient avoir. Eux, ils reconnaissaient Allah. Mais ils prenaient des statues comme. Comme intermédiaire. Comme intermédiaire. Donc eux, ils étaient dans quoi alors? Eux, ils étaient quoi? Est-ce qu'ils ont dit la ilaha illallah? Donc c'est réglé. Ah, et en plus, ils voulaient pas dire la shahada parce qu'ils savaient ce que ça veut dire la shahada. Okay. Et autrement, ces gens-là également, qu'est-ce qu'ils faisaient? ils ont rendu ces choses-là, yani, intercesseurs, mais ils faisaient des ribada, ils les invoquaient. Celui qui est un pendentif, il n'invoque pas. Eux, ils invoquaient ces choses-là, ils leur demandaient des choses. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça allait plus loin encore. Ah, donc obtenir, en fait, prétendre obtenir protection par le biais d'un objet et demander un objet. Ce sont deux choses différentes. D'accord. Okay. Ça se rejoint. En même temps, c'est deux choses différentes. D'accord. Car l'autre, il va avoir cette chose-là, il invoque, comme ce qu'ils font les gens qui ont des aouliers en islam, ils vont auprès des tombes et ils disent, je sais que c'est Allah qui donne ou qui nuit, mais lui, c'est un intercesseur. Okay. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils l'invoquent. Okay. Ils font quoi? Une adoration pour autre que Allah. Donc, ils font quoi? Du shirk akbar. Non. Taïf. Alain nakhouz al-hadith al-ta'asya. 9e hadith. يقول المؤلف حفظه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Donc selon Abu Huraira رضي الله عنه, le message d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a dit: par celui dont l'âme de Mohammed est dans sa main, nul n'entendra parler de moi dans cette umma, dans cette communauté, qu'il soit un Yahoudi ou un Nasrani, et puis qu'il meure sans avoir cru en mon message, sans qu'il ne soit parmi les gens du feu. Donc là, le hadith a été rapporté par Abu Huraira. Qui se rappelle du nom de Abu Huraira selon la ville plus authentique, son prénom? Abdurrahman ibn Sakhar. C'est ce qui était de plus probable qui était dit à son égard, qui s'appelle Abdurrahman. Mais le marlouf, c'est Abu Huraira. Il est connu comme cela. Bon, la dernière fois, on a déjà parlé sur lui, de ses fadra'il, de façon bien sûr très résumée, car il mérite des livres entiers peut-être. Donc dans ce hadith, on évoque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Awalan, j'ai oublié de citer le titre de ce chapitre, c'est Botlan ad-da'wati ila wahdati al-adyan, la fausseté de l'appel à l'unité des religions. Le chapitre s'appelle comme ça. Que le fait de dire que toutes les religions, nous sommes unis, et là, ils visent par cela les religions des gens du livre, ils appellent ça les religions célestes, c'est-à-dire musulmans, nasara, wa yahoud, qu'on est tous une même umma, qu'on est tous kaza wa kaza wa kaza. C'est ça qu'il veut dire par là. Car c'est un prêche qui se propage aujourd'hui. Nous sommes tous frères, on croit en un seul Dieu. D'accord? Et kaza et kaza et kaza. Et ça, bien sûr, c'est une croyance qui est fausse et qui est même de la mécréance. De croire que les gens du livre, tels qu'ils sont actuellement, sont nos frères et sont les croyants. Car ces gens-là démentent le Coran. Parmi les conditions de la foi, il y a croire en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qui sont bons ou mauvais. Ces gens-là ne croient pas en Allah comme se doit. Les Nasara l'ont divisé en trois. D'accord. Les Yahoud, qu'allou yadullah maghloula, wa Allah wa fakir wa nahnu al-aghniya. Ils ont dit que la main d'Allah est fermée, c'est-à-dire Allah il est avare. Il insulte Allah Azza wa Jal. Ils ont dit que Allah il est pauvre, c'est nous qui sommes riches. Ils ont dit Uzair ibn Allah. Et ittakhazu akhbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leur rabbin et leur moine, leur prêtre en seigneur en dehors d'Allah. Et les Yahoud ne croient pas en Isa alayhi salam. Et encore moins en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les chrétiens ne croient pas en Mohammed et ne croient pas en le Coran. Donc, ce ne sont pas des croyants. Car les piliers de la foi ont été cités. Ils sont six. Et eux, wa alaykoum assalam. Et eux en ont enfreint plus d'un. Et d'autres hadiths sont très nombreux, dont ce hadith en lui-même. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a juré par celui dont son âme est dans sa main. Il a dit min hadhihi al-umma, de cette communauté. Donc là, ça cause un ishkel pour pas mal de personnes. Ils regardent une communauté, on est tous une communauté. À la base, la Ummah, c'est quoi? C'est les musulmans. Et en fait, l'Ummah, tanqasim ila qismayn. La Ummah, ce qu'on appelle communauté, en ce qui concerne le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cela est sous deux termes, deux sens, on va dire. Premier, Ummat al-Istijaba ou Ummat al-Da'wa. Tu as la communauté de l'appel. Et tu as la communauté, ceux qui ont répondu favorablement. C'est-à-dire que, comme vous le savez, chaque prophète était envoyé à son propre peuple. Chaque prophète et messager, avant, était envoyé à un peuple en particulier, pas à tout le monde. Et ceux qui ont le plus de messagers, ce sont les Banu Israël. Donc eux, ces messagers-là, avaient leur peuple et n'étaient pas envoyés pour tout le monde. Le seul qui est envoyé pour tout le monde, et c'est parmi ces khasa'is, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, toute l'humanité, depuis sa venue, min al-ins wal-jin, sont ce qu'on appelle Ummah al-Stijaba, sont des gens qui doivent répondre à son appel. Et ceux qui ont répondu à son appel, entre autres les croyants, hum Ummah al-Stijaba, eux, sont sa communauté khasa, vraiment à lui, ses suiveurs. Et les autres sont ceux qui doivent suivre. Mais comme il a été envoyé à ces gens-là, bah, ils sont également sa communauté à lui. Vous voyez ? Donc là, lui vise quelle communauté ? La générale. Celle des gens qui doivent répondre à l'appel. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas une personne dans cette communauté, c'est-à-dire depuis ma venue, moi, en tant que messager, parmi tous les hommes et les djinns, qui soit un Nasrani. C'est pour dire, car là-bas, ce sont les gens les plus proches de l'islam. Ce sont les gens du livre, car eux-mêmes ont reçu un livre auparavant, et ils ont beaucoup de points communs dans notre croyance. D'ailleurs, les Yahouds ne croient pas par orgueil, mais au fond d'eux, ils savent qui est Mohammed. Ils le connaissent comme leur propre fils. Ils l'ont testé, Mohammed, ils ont vu qu'il répondait à toutes les questions. Et ils ont posé des questions, ils ont dit, seul un prophète peut y répondre. Ils l'ont répondu, ils l'ont interrogé, il a répondu. Il leur a dit alors, il dit non, c'est pas toi. Par orgueil, parce que c'était un arabe. Ils voulaient qu'il soit parmi eux. Donc ils l'ont rejeté. Mais au fond d'eux, ils savaient qui il était. Mais par orgueil, ils l'ont rejeté. Donc même eux, au fond d'eux, ils y croient. Mais ils refusent de l'admettre. Et malgré tout, donc ces gens-là sont les koufars. Mais à la base, les gens du livre, bien sûr, sont plus proches de nous que les autres religions, de base. Les prophètes, beaucoup d'entre eux sont nommés dans leur kutub. Il y a des rites similaires. Leur kutub ont encore des traces du tawhid. C'est eux qui l'ont changé, qui l'ont déformé. Et ainsi de suite. Et donc, pour dire les gens les plus proches de nous, il a dit, même parmi eux, s'ils ne croient pas en mon message et qu'ils meurent sans croire en mon message, ils sont des gens du feu. Donc, que ce soit un pape, que ce soit un archevêque, que ce soit un prêtre, un moine, une bonne sœur, une nonne, ce que tu veux, il a pu être parmi les plus vertueux des gens aux yeux des gens, s'ils ne croient pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a reçu le message. Ça, c'est un short. Pour Qimat al-Hujjah alayhi, qu'il a eu l'argument, quand même, et bien lui sera parmi les gens du feu. Et les Yahoud, c'est pareil. Il ne faut pas se voiler la face qu'en cette époque, le message, beaucoup d'entre eux, leur est parvenu. Car maintenant, les musulmans, ils sont partout. Les musulmans sont partout. Que ce soit ici en France ou dans d'autres pays, les musulmans sont partout. Le Coran, il est partout. Peut-être que tu as trouvé des gens dans des contrées perdues, dans des forêts, dans la jungle, je ne sais où. Bon, ça, c'est autre chose. Et là, le hadith, il parle de quoi? Principalement, des gens du livre. Et les gens du livre ne sont pas dans la jungle. D'accord ? À part peut-être qu'ils sont partis en missionnaire là-bas pour appeler les papous à rentrer dans le christianisme. Et les Yahouds, ils n'appellent personne. Ils ne vont pas voyager pour appeler les gens au judaïsme. Ils n'appellent personne, ils sont entre eux. Quand même. Et ces gens-là, en gros, le message leur est parvenu de toute façon. Avec tout ce que vous attendez comme propagande contre l'islam, comme guerre contre l'islam à la télé, l'islam, les gens ont entendu parler. Mohammed, ils ont entendu parler. Maintenant, la nuance, c'est est-ce que le tawhid, c'est juste qu'il a parvenu. Savoir qui sont les musulmans, concrètement. Et beaucoup l'ignorent. Car aujourd'hui, les musulmans eux-mêmes ignorent leur religion. Donc c'est un kafir qui va savoir. Il y en a parmi les koufars, ils ont compris. Ils savent. D'accord ? Mais les musulmans eux-mêmes, aujourd'hui, tu parles avec eux de religion, tu vois qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Très peu de choses. Donc comment, s'ils n'ont pas compris, comment pourront-ils apporter un message clair à autrui ? Alors qu'eux-mêmes, on se donne un message, quand je dis un message, c'est savoir le sens et le cœur de leur religion. Donc la charte pour les gens du livre pour dire que quand Balaratum et Darwa, que la Darwa est parvenue, c'est qu'ils ont eu des arguments clairs. Ça ne demande pas un livre. Ça ne demande pas des milliers de douloureux. D'accord ? Ils ont compris. Ils ont entendu parler du Tawhid. C'est quoi le Tawhid ? Son but et son contraire, le shirk, de façon claire et limpide. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Et même dans leur livre, il y a encore des traces, de toute façon, de cela. Et une fois que cela leur est parvenu, et que Mohammed, c'est le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pas besoin de voir des miracles. Hein. Ça, c'est pas une chose qui est demandée qu'il y ait des miracles. Si tu leur expliques clairement. Et si, après cela, ils refusent, là, ça s'applique sur eux, à ce moment-là. Et comme je vous le dis, aujourd'hui, beaucoup s'applique sur eux. Donc, le Nasrani n'est pas ton frère. Le Yahoudi n'est pas ton frère. Et d'ailleurs, vous allez voir beaucoup de musulmans nous dire, on est tous des frères. Cette parole est complètement fausse. Et d'ailleurs, même pour eux, nous ne sommes pas leurs frères. D'accord ? Il y a un vrai Nasrani, il ne dira pas que les musulmans sont son frère. Jamais. Un Yahoudi, encore moins. Jamais on dira, ouais, vous êtes nos frères. Jamais. Ils nous combattent matin et soir comme on est leurs frères. Donc ce hadith en lui-même, et bien d'autres, prouve que tous ceux qui ne sont pas musulmans sont des koufars, et les koufars, celui qui meurt sur le kufr, sont au feu. Et ceux qui n'ont pas eu l'argument, ils seront éprouvés au Maqiyama. Allah les testera, savoir est-ce que s'ils avaient vu le message, est-ce qu'ils auraient cru ou pas. Ça, c'est notre cas. Mais nous, à cette dunya, on ne rentre pas là-dedans, ça ne le concerne pas. Celui qui est mort sur le kufr, on le traite comme les gens du kufr. Il n'est pas lavé, on ne fait pas la janaza sur lui. S'il y a des musulmans dans sa famille, il n'hérite pas de lui, et ainsi de suite. On le traite comme un kafir. Et après, on inculque « Amru ilallah azza wa jal ». Donc les Nasara, ce sont ceux qui sont censés suivre Isa alayhi salam. Les gens nommés chrétiens. Et les Yahoud, ce sont ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam. Ceux qu'on nomme en français aujourd'hui « juifs ». Wa qala azza wa jal « Wa man yabtari ghayra l'islam adina fal yuqbala minhu » Quiconque cherche une autre religion que celle de l'islam, cela ne sera pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Donc il y a tellement de hadith qui te montrent que les gens du livre ne sont pas nos frères, sont des koufars, que la chose elle est claire. Il n'a pas douté de cela. D'ailleurs, dans parmi les narcos de l'islam, c'est celui qui croit en la véracité de la religion des koufars. Il dit que la religion elle est vraie. D'accord ? Il dit, même si j'y adhère pas, la religion elle est vraie. Ben lui, il sort de l'islam. Adam ibn Nawqid est de l'islam. Yaqul Shah al-Jibali. Bayyana an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam umum risalatihi ila jami' an-nas min al-Arab wal-Ajam wal-Ins wal-Jin ahraran kanu aw abidan dhukuran aw inathan min al-Kitab wa ghayrihim. أنه يجب عليهم الإيمان به واتباع شريعته ومن مات ولم يؤمن بذلك فهو كافر من أهل النار لكونه لم يستجيب لما بلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أوحي إلي هذا القرآن لينذركم من بلغ ولا يكون من الجنة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من اتبع ملته وقال الله تعالى ومن يبتغي الإسلام دينا الآية. Donc il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم a clarifier l'ensemble de son message à tous les hommes, parmi les Arabes ou les non-Arabes, parmi les humains et les djinns, parmi les gens libres ou même esclaves, parmi les hommes et les femmes, parmi les gens du livre et autres que eux, qu'il aurait obligatoire de croire en lui et de suivre sa législation. Et que celui qui meurt sur autre que cela, il sera un kafir parmi les gens du feu. Du fait qu'il n'aura pas répondu à l'appel de ce qui lui est parvenu d'Allah Azzawajal, de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens où Allah dit, il m'a été révélé ce Coran afin de vous avertir et ceux à qui il est parvenu. Donc le messager, il est envoyé pour ça, pour retransmettre aux gens. Et il incombe à chaque musulman de suivre cela et de retransmettre aux gens. Chacun à son niveau de science, mais de retransmettre aux gens. C'est une mas'oulia qu'on a. C'est une mas'oulia qu'on n'est pas là pour être copain avec les gens. On est là pour les avertir et leur montrer. Et si on ne peut pas avec la langue, qu'on le fasse avec nos actes. Qu'on montre qu'on est différent, qu'on a autre chose, on a notre croyance. D'accord ? Il faut qu'il voit une différence. Sinon, s'il ne voit pas de différence, il va se dire, mais je suis comme toi, donc voilà, pourquoi je changerais ? Il faut qu'il voit la nuance, que ça l'attire également, il ne faut pas le faire fuir. D'accord ? Sans non plus faire de fausses politesses. Et après, c'est Allah qui guide. Tu ne guides pas qui tu aimes, Allah guide qui veut. Toi, tu n'es pas là pour j'aime un tel jour qu'il soit guidé. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Et Allah guidera qui veut. Ça peut être une personne que tu aimes beaucoup, Allah ne la guide pas. Et un que tu détestes, Allah va le guider. Ça ne revient pas à nos sentiments et à nos goûts. Yaqul fawaid al-hadith. Isbat sifat al-yad lillah ta'ala. Donc, cela dans ce hadith, on y voit l'affirmation de l'attribut de la main. Allah Azzawajal, mes attributs, la main. D'accord ? Comme cela lui sied et cela lui convient. Maintenant, kama ta'lamoun, laysa kamithlihi shay, huwa as-sami'u al-basir. Il n'y a rien qui est comme lui, il est le parfaitement audient et clairvoyant. Donc Allah Azzawajal, il a même deux mains droites, et on ignore le comment. Mais le sens du mot main, on sait ce que ça veut dire une main. Thaniyan, umum risalat nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et jami' al-nas. Et que le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est pour tous les hommes. Sans exception. Il n'y a pas un qui dit ouais, lui, il n'est pas concerné ou quoi. Thalithan, wujub al-iman bi risalat nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ta'atih ala kulli man balahu da'watu. Qu'il est obligatoire de croire au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de lui obéir à toute personne qui aura entendu parler de lui. Rabi'an, anna jami' al-adiyan as-sabiqa mansukha bi din al-islam. Que toutes les religions précédentes, parmi les religions, on parle de religions révélées, pas les religions inventées par les gens, les vraies religions révélées, auxquelles on croit, et on croit aux livres qui ont été descendus auparavant, mais, comme le dit l'auteur, tout cela a été abrogé par l'islam et par le Coran. Le Coran a abrogé les livres antécédents. Et l'islam avec lequel est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu abroger les rites, pas la croyance, car la croyance des autres religions, c'est la même que la nôtre, mais les rites, et pas tous. Certains sont pareils, et d'autres ont été abrogés. Il y a des choses que les gens du livre faisaient qui étaient valables dans leur époque, que nous, on n'a pas à faire aujourd'hui, il y a des choses qui sont restées. Ça, comme on le sait, par le Kitab wa Sunnah, dans les Adillah. On sait ce qui est commun entre nous et eux, et ce qui ne l'est plus. Ou même ce qu'ils eux-mêmes, ils ont inventé, des choses qu'ils ont inventées. خامساً أن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة من أصحاب النار. Et que les يهود et les نصارى et autres parmi les kuffars sont les gens du feu. Le feu éternel. سادساً جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة. Et qu'il est permis de jurer par Allah sans réel besoin. C'est-à-dire qu'à la base, le musulman doit minimiser le fait de jurer par Allah sans raison. D'accord ? Et des fois, il peut être amené à jurer de lui-même sans qu'on lui demande. Par exemple, il n'y a pas un démenti. Il n'y a pas de doute dans ce qu'il dit. Mais tellement c'est important qu'il va jurer par Allah. Pour dire que ce qu'il dit, c'est vraiment une chose importante à retenir. Sans quoi, il est blâmable. Et voire même, cela atteint le stade de l'interdit, de jurer par Allah, tout va. Car ça revient à quoi ? Ça revient à dénigrer le nom d'Allah. Ça va, tu jures pour rien. Alors que quand tu jures, c'est pour une chose vraiment qui est importante. C'est pas un jeu de jurer. Tu jures justement parce que quelqu'un qui jure tout le temps le jour va jurer pour des choses importantes, on ne va pas prendre au sérieux. Et que dire de quelqu'un qui jure en mentant ? Et qu'est-ce qui est le pire, Ahmed ? Il y a pire que jurer en mentant ? Quoi ? En disant la vérité. Il a dit Ibn Mas'ud que jurer par Allah en mentant est préférable que de jurer par autre que Allah en étant véridique. Car jurer par Allah Azzawajal, ça c'est le shirk, qui de base est Ashar, qui peut devenir Akbar. Non. طيب ثم الحديث العاشر اولا العنوان الايمان بعلو الله تعالى على خلقه. La foi en l'attribut de la hauteur que Allah Azzawajal est au-dessus. Il faut y croire. Ça, c'est parmi les points importants chez les gens de la Sunna par laquelle se sont perdus beaucoup de gens de la Bid'a. Le fait de ne pas vouloir attribuer à Allah Azzawajal l'élévation. Car pour eux, ça revient à mettre Allah dans un endroit et l'endroit est une créature. Et c'est comme un qiyas qu'ils font qui est faux. C'est comme tout à l'heure on disait la main d'Allah Azzawajal. Pour eux, dire que Allah, la main, c'est forcément faire un comparatif avec les mains de la créature. On dit non. Pareil, le fait de dire qu'Allah Azzawajal est au-dessus, d'accord, comme le hadith va le prouver, ne veut pas dire qu'on est malade dans sa création. Yaqul an Muawiya ibn al-Hakam al-Sulami radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala lil-jariya ayna Allah qalat fi as-sama qala man ana qalat anta rasulullah قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. Dans ce hadith apporté selon Muawiyah ibn al-Hakam, et ce n'est pas Muawiyah ibn Abi Sufyan, Muawiyah qui est connu, c'est pas celui-ci, c'est un autre. Il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à une jeune esclave: où est Allah? Elle a dit: aux cieux. Il lui a dit: qui je suis? Elle a dit: tu es le messager d'Allah. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: libère-la, car c'est une croyante. Elle dit ça à Muawiyah. Awalen, Arrawi, le rapporteur, c'est Muawiyah ibn al-Hakam, ibn Khalid, ibn Sakhr al-Rashid, ou al-Sharid Afwan, al-Qaisi. C'est un sahabi. Un des questions. Quelle est la définition du compagnon, sahabi? Quand peut-on dire de quelqu'un que c'est un sahabi? Oui, entre autres. Mais c'est... Il y a des gens qui étaient là à sa période et qui n'ont pas... Il faut que tu arrives à joindre. Tu as des éléments, il faut que tu les mettes ensemble. Tu sais, toi? Tu sais pas. Andak. Ma was sahabi, c'est quoi un compagnon? C'est quoi un compagnon? L'imam Ahmed a rapporté du Nabi, ça, c'était pas un compagnon. Al-Bukhari a rapporté du Nabi, ça, c'était pas un compagnon. Non. Le sahabi est la première génération, mais qui est-il? Comment on peut le décrire? Comment on peut le définir? C'est trop vague. C'est vrai, mais c'est trop vague, c'est pas assez précis. Il y a des gens qui le côtoyaient et ils ne croyaient pas en lui. Hein? Il a suivi. C'est-à-dire il l'a suivi, il a marché derrière lui? Non. Il a suivi... Je veux le mot. Je veux le mot. Il y a un mot qui... Ah, ce qui ferme toutes les portes. Il y a Aïwa qui a cru en lui. C'est quelqu'un qui l'a rencontré, qui a cru en lui et qui est mort sur la foi. D'accord? C'est important. Et même s'il l'a rencontré, et pourquoi on dit rencontré, on ne dit pas qu'il l'a vu? Parce qu'ils disent celui qui a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui, en mettant mort cette fois-là. Pourquoi le mot voir, il est discutable? Il y a une raison. Il est vrai, mais il y a une raison. Non, c'est pas pour ça. Il y a une autre raison. Plus clair que ça. Parce que si on fait ça, bah les aveugles, ils ne l'ont pas vu. Mais ils l'ont rencontré. Ah, non. Et qui l'a rencontré l'aura forcément vu. Donc rencontré est plus général. Et même de loin, même sans avoir échangé un mot. T'es un sahabi. Donc moi, rien, en était un. Donc il dit, Muawiyah, dans ce hadith, il avait une jariya. Une jariya, c'est une esclave. D'accord? Et elle gardait les moutons pour lui. Elle était bergère. Puis un loup est venu et s'est emparé d'un des moutons. Il l'a dévoré. Muawiyah, cela lui a déplu. Dans la colère, il a giflé cette jeune esclave. D'accord? Après, il s'en est voulu. Il a du remords de son geste. Il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour le demander, pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé et comment réparer son erreur. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela également, l'a déplu. Il lui a dit: ramène-la. D'accord? Là, Muawiyah a ramené cette jeune servante. C'est là qu'il l'a interrogée. Il lui a dit: où est Allah? Elle a dit: fis sama. C'est-à-dire aux cieux. Et entre autres, en français, on va dire au-dessus des cieux. Parce qu'à la base, fi, c'est un harf jar en arabe qui veut dire dans. Mais là, dans peut également avoir le sens de sur. Le sens de ala. Par exemple, tu dis el walad fi el bait, c'est-à-dire l'enfant est dans la maison. Et quand tu dis el walad ala el kursi, l'enfant est sur la chaise. Si tu dis el walad fi el kursi, genre on va dire mais non, on ne peut pas être dans le kursi. Mais en réalité, en langue arabe, fi peut avoir le sens de ala. Dans le Coran, Allah dit: وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas de bête sur terre. Et pourtant, il dit fil ard en arabe. Les bêtes, elles sont dans la terre. Les animaux sont sur terre. Bon, certes, ils sont dans la terre, ils ne sont pas nombreux, mais de façon générale, ils sont sur terre. Donc le mot fi D'accord ? Également le sens de sûr. Donc Allah Azzawajal est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône. Donc c'est au-dessus. Donc elle a répondu correctement. D'accord ? Et ça, cette croyance, les Yahoud également, ils l'ont, hein, que Allah est fils de sa main. Et lui a dit, qui je suis ? Elle a dit, tu es le messager d'Allah. Et là, elle a dit à Mouawiya, libère-la, car c'est une croyante. Donc, son explication, c'était de la libérer. D'accord. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'en fait, à la base, Mouawiya, Naam, voulait la libérer déjà de base, pour attraper son erreur. Il ne savait pas s'il pouvait le faire ou pas. Donc là, il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit oui, dans le sens qu'il a confirmé de libérer-la, que c'est une croyante. Ce qui veut dire que celui qui est un kafir, tu ne libères pas. D'accord ? Donc, là, on y voit, il y a de nombreuses preuves que Allah Azzawajal, fils Sama. Et des gens, malheureusement, ont pris certains versets qu'ils ont mal compris, soit par ignorance, ou soit par malhonnêteté, en disant que Allah Azzawajal, Masalan, il est partout. Des gens, va voir des musulmans, demande-leur, il est où Allah ? Ils vont dire, il est partout, il est dans mon cœur, il est. Tu vas sortir plein de paroles. Et les hadiths sont clairs. Ar-Rahman, ala al-Arsh, istawa. Min asma'i al-Ali. Ou al-A'la. L'Ali, c'est le très haut, l'A'la, c'est le plus haut. Ainsi de suite. Et ils prennent le verset. Wa wa ma'akum aina ma kuntum. Il est avec vous où vous soyez. Le verset, il existe. C'est le Coran. Comment l'expliquer ? Et le Coran, il n'y a pas de contradiction entre les versets. And, comment l'expliquer ? Il est avec vous où vous soyez. Et le verset où Allah il dit qu'il est aux cieux. Il le sait. C'est-à-dire ? Il est sur le trône, non. Sur son trône, mais il sait tout ce qui se passe. Il est avec nous par son ilm. Mm. C'est-à-dire qu'il est avec nous par son savoir. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Et le ma'a, qui veut dire être en compagnie, n'implique pas une présence. Tu peux dire à quelqu'un, je suis avec toi, dans le sens, je te soutiens. Là, il avait dit à Moussa, inni ma'akuma asma'u ara, je suis avec vous, en disant à Moussa et Haroun, je suis avec vous, j'entends et je vois. Dans le sens, allez voir Pharaon, je suis avec vous. Pourtant, Allah, l'Azawajal, n'était pas présent avec eux. Il dit, ana ma'akuma, inni ma'akuma. Pareil, dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand les sahaba sont partis en guerre à Tabouk, il a dit Inna la khalfana, rijalan bil Medina, ma katartum wadien, wala salaktum shi'aban, illa huwa wa hum ma'akum. Il a dit il y a des gens qui sont restés à l'arrière à Medina, et vous n'avez pas traversé de vallée, de contrée, sans qu'ils ne soient avec vous. Ils étaient retenus par la maladie. C'est-à-dire que ces gens n'ont pas pu venir car ils étaient retenus par la maladie, ils avaient une excuse. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là. Il a dit pourtant, ils sont avec vous à chaque pas que vous avez fait. Dans quel sens ? Par le soutien, car à la base, si ça n'avait pas été l'excuse, il serait là avec vous. Donc ces gens-là sont de vous, ils sont avec vous. Ouais. Donc le fait de dire ma'a n'implique pas la présence. N'implique pas la présence. Et Allah Azzawajal n'est pas dans sa création. Ce n'est pas possible. Donc lorsqu'on dit que Allah Azzawajal est au-dessus des cieux, on ne cherche pas un comment. Il est au-dessus des cieux, c'est tout. Et ça, c'est parmi les marque des croyants. Dans ce hadith, on y voit que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ou veulent penser, c'est que il y a de l'esclavage en islam. Cette jeune femme était une esclave. Mais elle a été libérée pourquoi ? Elle était croyante. Si elle n'avait pas été croyante, elle n'aurait pas été libérée. Donc, l'esclavage existe. Mais il est recommandé, fortement recommandé, de libérer les esclaves croyants. L'esclave, on le prend comment ? Qui devient esclave en islam ? Les captifs. Non, les captifs du djihad. Quelle que soit leur couleur. D'accord ? Homme ou femme. Adulte, enfant. Il n'y a pas de différence. Maintenant, l'esclave, il a des règles, il est respecté en religion, il a des règles. Pour preuve, ceux qui étaient esclaves en islam sont tous convertis par la suite. Presque tous. Car ils ont été bien traités par leurs maîtres, selon les règles de l'islam. Et si des maîtres, des gens parmi les musulmines, d'accord, et entre autres, parmi cette propagande qu'on entend que les Arabes ont maltraité les Noirs, ainsi de suite, ça c'est pas l'islam. Si jamais c'est vraiment arrivé, je connais pas l'histoire, parce que ces gens-là, ils ont tellement parlé, critiqué pour rejeter l'islam, ils inventent des choses. Si cela est arrivé que des Arabes ont maltraité des Noirs en les prenant en esclaves, ça c'est leur erreur à eux. C'est comme si demain tu vois des jeunes, bah, comme on l'a vu hier soir, un compte tout cassé, on a plein, c'est des Mamadou, des Mohamed, ça veut dire que c'est l'islam qui appelle à faire ça, jamais de la vie. Donc tu ne peux pas prendre l'erreur d'un individu, même d'un groupe d'individus, pour l'attribuer à leur religion. Il faut que tu reviennes à la religion pour voir est-ce que ce qu'ils ont fait c'était valable ou pas. Donc si des Arabes ont maltraité des Noirs, c'est pas l'islam ça. C'était une erreur de leur part à eux. Donc ne pas rejeter justement quand, comme dans le hadith précédent, où tu entends parler de l'islam de Mohammed, ouais mais vous les Arabes, vous avez pris les Noirs en esclaves, donc votre religion elle est fausse. Tu dis non, ça marche pas comme ça. Tu dis si jamais c'est arrivé, c'est pas un mensonge que je t'ai dit, ce que ces gens-là ont fait, d'accord, ce n'est pas l'islam qui a appelé à faire cela. Donc ne rejette pas toute une religion pour l'erreur de certains individus. Sans quoi il n'y a plus de religion sur terre qui va tenir. Car il y aura toujours des adeptes, on n'est pas parfait. On va toujours faire des choses erronées devant les gens. Si chaque personne prend notre erreur pour rejeter une religion, personne n'entend l'islam. C'est fini, parce que tu trouveras toujours une erreur quelque chose à redire sur quelqu'un, un musulman. Mais en réalité, quand on rejette l'islam, ce n'est pas pour les musulmans, c'est pour Allah, Zawajal. Donc on est au-dessus de l'erreur de l'humain. Bien que celui qui a fait une erreur, bien sûr, l'erreur, on la condamne, on la blâme, on la déclare. Pour que les gens pensent que cela est attribué à l'islam. Non. Donc ce qu'il faut retenir de ce hadith, c'est qu'Allah Azawajal, parmi ses attributs, qu'il est au-dessus de sa création. D'accord ? Et c'est une chose qu'on a tous, dans la fitra, on l'a en nous. C'est une chose qu'on a en nous. Yaqul, fawaid al-hadith, mashru'iyati su'al bi'ayn Allah. Donc il est légiféré de dire « Où est Allah ?» Je me rappelle d'un da'i, vous le connaissez, il s'appelle Hassan Iqusen, qui se moquait de cette question-là. De dire, demander « Il est où Allah ?» Il se moquait de cette question-là. Et regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, avec une jeune esclave, pour affirmer sa foi. Donc poser cette question-là n'est pas une chose sans intérêt, très important. Et souvent les enfants, il faut leur répéter cela, depuis l'enfance. Tu le dis « Il est où Allah ?» Et de base, il donnera une bonne réponse. Si Yahvé se trompe, tu corriges. Il est où Allah ? Il est où Allah ? Viens de le dire. T'étais ailleurs. De ce que tu connais dans le Coran, Allah il est où ? Tu sais pas ? Il y a quoi dans les nuages ? Au-dessus des nuages, il y a quoi ? Allah, il est au-dessus des cieux. Il est au-dessus. Ça, il faut que tu le gardes en toi jusqu'à ta mort. D'accord ? Si des gens disent qu'Allah est partout, tu dis non, il ne peut pas être partout. Ça veut dire quoi qu'il est partout ? Ça veut dire qu'il serait sous tes chaussures quand tu marches. Ça veut dire qu'il est aux toilettes quand tu rentres aux toilettes. Allah, il est dans les toilettes ? Jamais de la vie. Mais il est partout par son savoir. Il te voit, il t'entend. Allah, dans son essence, il est au-dessus des cieux. D'accord ? Yaqul أن الله فوق سماواته على عرش بائن من خلقه وعلمه في كل مكان هذا هو que Allah Azawajal est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, isolé de sa création, il n'est pas dans la création, d'accord ? Et que son savoir est en tout lieu. Et celui qui va réfléchir, mais comment vous dites qu'il est au-dessus des cieux et il est, ça implique un endroit ? On ne te dit rentre pas là-dedans. Tu vas te perdre. C'est que lorsqu'on parle de tout attribut, quand quelqu'un commence à dire, mais pourquoi, mais comment ? Il n'y a pas de comment, il n'y a pas de pourquoi. Tu l'entends, tu y crois. Si tu cherches dans le comment, c'est là que tu vas te perdre. Car des gens, justement, qu'on appelle les Mu'attila, ont ôté Allah de ses attributs par ce raisonnement, de vouloir trouver une logique, de vouloir trouver, de comprendre de façon rationnelle. La Aqidah, il n'y a pas la place là-dedans. C'est les textes. Et les textes ne contredisent pas la raison saine. C'est que notre raison, à nous, elle a été polluée. De base, notre raison a été polluée par tellement on a appris des choses qui ne nous servent à rien, même à l'école, un tas de sciences, la science physique, dans les mathématiques, tu veux tout rendre rationnel. Tu dis non, en religion, ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses que tu as apprises, qui tes yeux vont concevoir, et qui pourtant la religion va à son encontre. Là, tu seras éprouvé. Qu'est-ce que tu vas croire ? Le texte religieux ou ton prof de maths ? Qui tu vas croire à ce moment-là ? Tu vois ? Pendant combien d'années, on nous a fait croire que la Terre tourne autour du Soleil ? On a tous appris ça petit, j'imagine. N'est-ce pas ? Et pourtant, regarde, le Coran te dit que c'est le soleil qui bouge autour de la Terre. Et t'as des muslims aujourd'hui, ils doutent encore. Pourquoi est-ce qu'on l'a appris à l'école ? On dit, c'est quoi l'école ? C'est une révélation, l'école ? Il y a tellement de choses fausses qu'on a apprises à l'école, rien que l'histoire de France. On va dire, les 80%, je pense que c'est que du mensonge, c'est juste pour glorifier la France. Mais tous les crimes que la France a commis, ils ne vont pas t'apprendre à l'école. On va toujours les faire passer pour les héros qui ont libéré, qui ont fait, qui ont inventé, on était les premiers, on a fait, on a fait, on a fait. Ils ne vont pas dire le mal qu'ils ont fait. Et les autres, voilà. Et chaque pays va faire son histoire en glorifiant son propre histoire. Demain, tu vas aller dans un pays, en Italie, ils vont glorifier l'histoire de l'Italie. Demain, tu vas aller... Tout le monde va se glorifier. Comment tu peux le savoir? Tu pourras pas vérifier. Tu dis peut-être. Mais vous connaissant, franchement, j'y crois pas. J'y crois pas. Vous connaissant, j'y crois pas trop. Tu vois. Votre héroïsme, là, j'y crois pas trop. Donc, le muhim, attention à tout ce qu'on nous bourre le crâne. D'accord? Le musulman, sa croyance, c'est Kitab al-Sunnah. Ce qui ne se contredit pas Kitab al-Sunnah, on dit possible. S'il coordonne, on y croit. Et ce qui s'y oppose, on rejette. Directement. D'accord? On peut te ramener le plus grand des scientifiques, des savants. Je dis, j'en ai rien à faire. Tu pourras parler pendant des heures. Je ne te crois pas. Et tu passes pour un fou pour les gens quand tu leur dis ça. Tu vois? Tu dis, attends, te prouve, regarde, la science prouve ceci, tu prends des expériences, tu dis, j'en ai rien à faire. Tes éprouvettes, tes machins là de chimie, j'en ai rien à faire. Je n'y crois pas. يقول أن من علامة الإيمان وسمات أهله الإقرار بعلو الله تعالى على خلقه وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. Parmi les signes de la foi et des gens de la foi, c'est le fait d'admettre que Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa création. Et selon l'a su, parle la révélation. رابعاً حيث الإسلام على الرفق بمن تحت ولاية الإنسان من الممالك والنساء والأطفال. Et que l'islam incite justement à être doux envers toute personne qui est sous ton autorité. Que ce soit un esclave, même un kafir. De base, il est kafir. À la base, l'esclave, il est kafir avant qu'il se convertisse. Mais il reste esclave, tu le traites bien. D'accord ? Il doit être bien traité. Il a des règles, il y a des lois, il y a des règles en islam dans l'esclavage. Il a dit les femmes et les enfants. C'est-à-dire les maris avec les époux. Il les traite bien, du mieux possible. D'accord ? Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Staufun Nisa. Il a dit traitez bien les femmes. Après en rappelant les défauts des femmes, ce qui va amener à quoi ? À devoir faire preuve de patience. Et les enfants également. De bien les traiter. Parce que ces gens-là, les femmes, les enfants sont faibles par rapport aux hommes. Et souvent, une personne qui a du pouvoir, de la force, aura tendance à faire abus de son pouvoir. Donc l'islam est venu te faire comprendre, tu es fort, tu as autorité, mais reste doux. D'accord ? Même le Nabi sallallahu alayhi l'avait dit à Omar ibn Khattab lorsqu'il voulait toucher la pierre noire. Et Omar, il était corpulent. Il disait d'être doux avec les gens, parce que Omar pouvait arriver et voilà, faire passage. Et malgré ça, le Nabi sallallahu lui a dit de faire doucement. Ouais, de faire doucement malgré tout. يقول أن عتق الكافر ليس بمشروع. Et là il le dit, le fait de libérer un esclave kafir, ce n'est pas permis. Car le kafir, si jamais tu le laisses libre, il fera du façade. Donc quitte à ce qu'il soit présent, qu'il soit sous l'autorité des musulmans. Voilà. Au moins, tu restes kafir, mais c'est l'islam qui te gère. Pour pas que tu ailles t'éparpiller à droite à gauche, tu fasses le façade sur terre. Et en réalité, voilà, tu mets une bonne image de l'islam, il va accepter. Et s'il n'accepte pas lui, ses enfants vont accepter. C'est-à-dire que ça marchera à la longue. Si le père ne veut pas, l'enfant va naître. Au milieu des musulmans, un mouchtamar qui est déjà bien répandu, bien structuré, l'enfant, il va accepter directement. Parce qu'il n'aura pas connu le kouf, d'abord, contrairement à son père et à sa mère. Donc l'enfant, il va suivre direct. C'est pour ça qu'il y a une maslaha derrière. Ton père ne veut pas, ta mère ne veut pas, toi, tes petits-enfants, ainsi de suite, ils vont vouloir. Tout comme nous aujourd'hui, dans ces pays-là, là. Et qu'on fasse voir ça, il dit toi tu veux pas, mais ton enfant il va nous suivre. Et ton petit enfant, ils vont nous suivre également. Tu vois. Et toi tu résistes encore un petit peu, ton enfant il va pas résister. Parce qu'il va naître là-dedans, il verra ça directement. Et tes petits-enfants encore moins. Donc restez là, on vous aura la longue, à l'usure. C'est la même technique. Ils l'ont compris aussi. Hein. On t'aura pas toi, on aura ta descendance. Yaqul Anna. الركبة المجزئة في الكفارات يشترط فيها الإيمان que l'affranchissement d'un esclave dans une expiation d'une chose, des fois on a des choses qu'on a faites, L'expiation, c'est de libérer un esclave. Comme le fait, par exemple, d'avoir juré. D'avoir juré et d'avoir enfreint le serment. La première étape, c'est de libérer un esclave. Pour celui qui en a un. S'il ne peut pas, alors il nourrit 10 pauvres. Ou il habite 10 pauvres. D'accord ? Et s'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait là ? Il jeûne 3 jours. Donc première chose, c'est quoi ? Libérer un esclave. C'est qu'il y a un kazalik dans la bavure. Lorsqu'un musulman tue un autre musulman par erreur. Il y a la libération d'esclaves. C'est quel esclave qui est libérable ? C'est le musulman, pas le kafir. Kafir, si jamais tu libères un esclave kafir, tu n'as pas à expier ta faute. C'est pas expié. Il faut que ce soit un musulman. Sabian, hirs al-islam ala tahlir al-riqab min al-riq. Et que l'islam, justement, incite à affranchir les esclaves. D'accord ? C'est-à-dire que l'islam prend les esclaves pour une raison particulière, en situation particulière. D'accord ? Mais également, une fois que le but est atteint, et que cet esclave entre en islam, tu le libères. Tu le libères. Inch'Allah, il sort muslim, mustaqim droit. Bizdina ta'ala. Naam. Azalazi akhadna al-yom. Minhazayn al-hadithayn. Naktafi bi hadha al-qadr. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.